بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussières éparpillées, alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. Une multitude d'élus parmi les premières générations. Et un petit nombre parmi les dernières générations. Sur des lits ornés d'or et de pierreries. Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. S'y accoudant et se faisant face. Yatoufu 'alayhim wildanun mukhalladun. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source. Qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Et des fruits de leur choix. Et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareil à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème. إلا قيلا سلاما سلاما. Mais seulement les propos salam salam, paix paix. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? في سدر مخضود. Ils seront parmi des jujubiers sans épines. وطلح منضود. Et parmi des bananiers au régime bien fourni, et

Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge ? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond. Et qu'à ce moment-là, vous regardez. Et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique ? فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, فروح وريحان وجنة نعيم. Alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. وأما إن كان من أصحاب اليمين. Et s'il est du nombre des gens de la droite. فسلام لك من أصحاب اليمين. Il sera accueilli par ces mots, paix à toi de la part des gens de la droite. وأما إن كان من المكذبين الضالين. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés. فنزل من حميم. Alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Grand.